tous, musique danse avec Nicolas sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 en couleur. Bonne écoute. Toutes, il est tout simplement l'heure de se retrouver comme tous les mardis, à tout simplement toute l'après-midi. Voilà donc, j'espère aussi que vous avez passé tout simplement un bon début, tout simplement de matinée, tout simplement de mardi, et puis ainsi qu'on va continuer de passer une excellente après-midi avec les chansons différentes pour vous faire plaisir. Voilà donc, eh bien, sans plus tarder, je vous laisse avec le titre, ça s'appelle Madame, avec Claude Barzotti, puis suivi de Francis Cabrel. On a tous quelque chose des années 80. On a tous quelque chose des années 80. J'aurais voulu vous emmener

Il vit sa vie comme un fou.

donc, ben, je vous laisse avec du country, après du country, mais plutôt du Madison. Ladies and gentlemen, come on everybody, come on, it's Madison time. It's Madison time. If you're 1990, join in line. Hey, everybody's going for the brand new sound. Everybody dance to Madison, spread the world around. Cause we all having fun and shouting out for more. One, two, three, four. Who's that a knocking on the nightclub door? One, two, three, four. It's the Madison dance, so that's for sure. Everybody dance to Madison, spread the world around. One, two, three, four. Who's that a knocking on the nightclub door? One, two, three, four. It's the Madison dancer, that's for sure.

c'est le plaisir de la musique. Arc-en-ciel, c'est le bonheur. Tout en cool. Voici donc le country, et puis suivi de Bye Boy Blue. C'è chi non la gusta, spalla il chitarrista. Se per puro caso è una musica che piace, non fate complimenti ed applaudite. E al nostro chitarrista non sparate. So are you. Time stood still.

Sophie, coucou à Véro. Voici donc Céline Dion et John Goldman. Deep

tous, musique danse avec Nicolas sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 en couleur. Bonne écoute. Voici donc tout simplement Jean-Pierre Madère avec un pied dans l'autre. Mais un pied devant l'autre.

Voici donc que s'appelle Dalida. Laissez-moi danser. Et puis juste après, on écoutera Daniel Guichard. Avec tout simplement, eh bien, le gitan. Moi, je vis d'amour et de danse, je le vis comme si j'étais en vacances, je le vis comme si j'étais éternelle, comme si les nouvelles étaient sans problème. Je vis d'amour et de vivre, je le vis comme si il n'y avait rien à dire. J'ai tout le temps d'écrire mes mémoires, d'écrire mon histoire. Allons, bébé, laissez-moi danser, laissez-moi danser, chanter, on y rêvait tous les deux. Laissez-moi danser, je le vais, je viens, j'ai appris à vivre comme si j'étais libre et en équilibre. Je vis d'amour et de rire, je vis comme si y avait rien à dire. J'ai le temps d'écrire mes mémoires, d'écrire mon histoire. Le sien, je suis comme lui, Gitan. J'ai

Après, ce sera Indochine, tout simplement avec la lune. We'll be right back. arc-en-ciel. C'est aussi ça. avant de tout simplement de vous présenter tout simplement les émissions pour la semaine, eh bien, on écoutera juste après tout simplement Voyage Voyage avec Desiree, et puis juste après il y a Johnny. Voilà donc, eh bien, en soirée, vous allez retrouver tout simplement à partir de 19h jusqu'à 21h avec Christophe, l'émission Electric Choc, et puis demain à partir de 7h jusqu'à 9h avec Funky. Et puis juste après, à partir de 9h jusqu'à midi, avec Victor, Portugal, tout simplement, en fait. Et puis juste après, à partir de 16h jusqu'à 17h, vous allez retrouver Zik d'ailleurs. Et puis en soirée, à partir de 19h30 jusqu'à 21h, avec Christina, avec l'émission, tout simplement, pour Fleurs du Fou Rire. Juste après, en soirée, plutôt le lendemain, plutôt le jeudi, voilà, jeudi, à partir, donc, pareil, entre 7h et 9h avec Francky, et puis, dans l'après-midi, à partir de 14h jusqu'à 16h, Annabelle avec Annie 80-90, suivi de, tout simplement, 16h jusqu'à 18h avec Gouvre Tropical, et puis en soirée, à partir de 18h-20h, avec Sylvia, avec pause musicale. Voilà, et puis à partir de 20h jusqu'à 22h, vous allez retrouver Julien pour l'émission Flamand. Voilà donc, eh bien, je vous laisse avec d'autres chansons différentes. Et voici donc, eh bien, comme j'ai dit, Desiderès. Voyage, voyage, éternellement.

donc Premier Amour, et c'est Michel Thor. J'avais à peine 15 ans, je crois. Un soir au milieu de l'automne, il m'attendait, il était là. Je m'avançais pour lui parler. Il mit ses bras autour de moi et je me laissais embrasser. C'était bien la première fois. Premier. Voici donc les Formans avec Chante, et puis juste après en duo les Seeking. Vas-y, on est.

la route de Memphis. Je viens vers toi, tu m'attends dans ta robe blanche. L'amour en province ressemble un peu à du manche. Sur le siège avant, le chauffeur loup, je t'ai un regard un peu fou sur la route de Memphis.

Voilà donc après tout simplement Cindy Lauper, voici donc le groupe Alphaville. Arc-en-ciel. Ha ha ha! tous quelque chose des années 80. On a tous quelque chose des années 80. Voyez le groupe Fun Fun avec Happy Station. Yeah.